Un matin, comme mon ami Bigre, plus fatigué qu'à l'ordinaire, ou du travail de la veille, ou du plaisir de la nuit, reposait doucement entre les bras de Justine, voilà une voix formidable qui se fait entendre au pied du petit escalier. « Bigre, Bigre, maudit paresseux, l'Angelus est sonné, il est près de 5h30 et te voilà encore dans ta soupente. As-tu résolu d'y rester jusqu'à midi? Faut-il que j'y monte et que je t'en fasse descendre plus vite que tu ne voudrais? Bigre, Bigre, mon père, et cet essieu après lequel ce vieux bourru de fermier attend, veux-tu qu'il revienne encore ici, recommencer son tapage? Son essieu est prêt, et avant qu'il soit un quart d'heure, il l'aura. » Je vous laisse à juger des tranches de Justine et de mon ami, Bigre le fils. Cependant, Bigre le fils était précipité du lit, jambes nues, sa culotte à la main et sa veste sur son bras. Tandis qu'il s'habille, Bigre le père grommelle entre ses dents. « Depuis qu'il s'est entêté de cette petite coureuse, tout va de travers. Cela finira, cela ne saurait durer, cela commence à me lasser. Encore, si c'était une fille qui en valut la peine, mais une créature. Dieu sait quelle créature. Ah, si la pauvre défunte, qui avait de l'honneur jusqu'au bout des ongles, voyait cela, il y a longtemps qu'elle lui bâtonnait l'un et arrachait les yeux à l'autre au sortir de la grand-messe sous le porche, devant tout le monde, car rien ne l'arrêtait. Mais si j'étais trop bon jusqu'à présent et qu'il s'imagine que je continuerai, il se trompe. » Et ces propos, Justine les entendait de la soupente. Je n'en doute pas. Cependant, Bigre, le fils, s'en était allé chez le fermier, avec son essieu sur l'épaule, et Bigre, le père, s'était mis à l'ouvrage. Et Justine, elle avait ramassé ses vêtements à la hâte et s'était glissée sous le lit, où elle était étendue à plat ventre, plus morte que vive. Et ton ami, Bigre, le fils, son essieu rendu, mis en place et payé, il était accouru chez moi et m'avait exposé le terrible embarras où il se trouvait. Après m'en être un peu amusé, « Écoute, lui dis-je, Bigre, va te promener par le village, où tu voudras. Je te tirerai d'affaire. Je te demande qu'une chose, c'est de m'en laisser le temps. » Vous souriez, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mon ami Bigre sort. Je m'habille, car je n'étais pas encore levé. Je vais chez son père, qui ne m'eut pas plus tôt aperçu que, poussant un cri de surprise de joie, il me dit « Eh, filleule, te voilà! D'où sors-tu? Et que viens-tu faire ici de si grand matin ?» Mon parrain Bigre avait vraiment de l'amitié pour moi. Aussi lui répondis-je avec franchise. Il ne s'agit pas de savoir d'où je sors, mais comment je rentrerai chez nous. Ah, filleule, tu deviens libertin. J'ai bien peur que Bigre et toi ne fassiez la paire. Tu as passé la nuit dehors. Et mon père n'entend pas raison sur ce point. Ton père a raison, filleule, de ne pas entendre là-dessus. Mais commençons par déjeuner. La bouteille nous avisera. Jacques, cet homme était dans les bons principes. Je lui répondis que je n'avais ni besoin ni envie de boire ou de manger, et que je tombais de lassitude de sommeil. Le vieux Bigre, qui de son temps n'en cédait pas à son camarade, ajouta ricanant. « Filleule, elle était jolie, et tu t'en es donné. Écoute, Bigre est sorti. Monte à la soupente et jette-toi sur son lit. Mais un mot avant qu'il revienne. C'est ton ami. Lorsque vous trouverez tête à tête, dis-lui que je suis mécontent, très mécontent. C'est une petite Justine que tu dois connaître, car quel est le garçon du village qui ne la connaisse pas ? Qui me l'a débauché. Tu me rendrais un vrai service si tu le détachais de cette créature. Auparavant, c'était ce qu'on appelle un joli garçon. Mais, depuis qu'il a fait cette malheureuse connaissance, tu ne m'écoutes pas. Tes yeux se ferment. Monte et va te reposer. »